fait l'équipe. Sur le deux feuilles on est quatre. Tu sais que la bouteille on liquide. Ici c'est miné, faut qu'on parte. OCB ou feuille de blé. J'me sur le stone, pas de coupe de pain. Puis j'mélange un peu de peu. J'suis tout en noir, pas trop le blue. Fais tourner le pétard, on est là. À vouloir de la maille, on est mille pleins. À vouloir la maille, coffret là. Viens nous voir dans la grotte, on est mal. J't'aime pas l'heure comme dit qu'il est minuit. Depuis qu'on galère, c'est la merde. Après les sourires, y'a la mort. Ici, Nike fait la fête. Et on a délaissé l'amour. Des fois, du whisky pur ou Fanta frais. Ou grosse bouteille, faut que je mette un prix. Et une bécane ramène ta fraise. On est un trop, on monte à trois. La police me contrôle pour un brin. D'air, je repars, ils me prennent la brin. Dis à mon adducteur, j'ai caché plein de terre. Groupe avec le pétard, il est plein. Des regards au bout, le pilon est plein. Depuis qu'on galère, c'est la merde. Après les sourires, y'a la mort. Ici, Nike fait la fête. Et on a délaissé l'amour. Elle est où la monnaie, rien à célébrer. C'est la vie qu'on a menée. Enfant de la misère, parti loin. Mon désert inhalé, on cherche qu'à s'en aller. C'est la vie qu'on a menée. Le mélo d'un ghetto, d'un peu pas. Elle est où la monnaie, rien à célébrer. C'est la vie qu'on a menée. Enfant de la misère, parti loin. Mon désert inhalé, on cherche qu'à s'en aller. C'est la vie qu'on a menée. Le mélo d'un ghetto, d'un peu pas. Ça devient hyper dur. S'en sortir, important. Ta vie maintenant s'en sortir. Hyper dur. Cartel, ça perdure. La route est assombrie, ça devient hyper dur. S'en sortir, important. Ta vie maintenant s'en sortir. Hyper dur.